j'en arrive à me dire que j'ai atteint mes limites. Je me pose une minute, la plus que j'aime une mine. Hey, j'ai pris un coup de vieux, changer le monde, je n'y crois plus. C'est triste à dire, mais les hommes de pouvoir sont les pires crapules. J'ai pris le rap à son époque, contestataire. Mais depuis que c'est notre pire caricature, je suis à tout droit de faire une croix dessus. Je suis pas un maître à penser ni un leader, mais j'aime être ce petit con que l'on ne peut pas faire taire. Sachant que l'ostracisme est le tarif en vigueur quand ton origine fait de toi un adversaire. C'est clair que les fesses au square, on peut avoir l'air fatigué, mais on est les barbets soldats comme Ibrahim Ba et Fatigue. Sur la manière de croquer le monde, on a chacun sa petite idée. Le rap, le foot, tu bicraves là, mais ça, ça se dit pas. Même si c'est moins risqué qu'une gueule là sur la guipa, puisque ce propos c'est les jeunes de quartier qui le paient. Et si j'ai le mort comme la plupart de mes équipiers, c'est que si hausse le taux de mortalité, sera pas faute à la grippe.